Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génésot. Troisième semaine, second jour. La contemplation du milieu de la nuit se fera sur ce qui s'est passé depuis la sortie du jardin jusqu'à la maison d'Anne inclusivement. Voyez les mystères, et celle du matin, depuis la maison d'Anne jusqu'à la maison de Caïphe inclusivement, et ensuite les deux répétitions et l'application des sens, comme il a été dit. Note. Depuis le jardin jusqu'à la maison d'Anne. Saint Ignace ne manque pas ici, comme en plusieurs autres passages des exercices, de faire entrer dans la contemplation les marches laborieuses du Sauveur. On le traîne d'un lieu à un autre, de tribunal en tribunal, et partout des souffrances et des ignominies, deux circonstances que nous devons considérer avec une spéciale attention. Fin de la note. Troisième jour, au milieu de la nuit, de la maison de Caïphe au prétoire inclusivement, voyez les mystères, le matin, du prétoire au palais d'Hérode inclusivement, et ensuite les répétitions et l'application des sens, de la manière déjà dite. Quatrième jour. Au milieu de la nuit, sur le renvoi d'Hérode à Pilate jusqu'à la moitié des mystères qui se sont passés dans la maison de Pilate, voyez les mystères, dans l'exercice du matin, les autres mystères qui se sont passés au prétoire, puis les répétitions et l'application des sens, comme il est dit. Cinquième jour. Au milieu de la nuit, ce qui se passa depuis la maison de Pilate jusqu'au crucifiement du Sauveur, et le matin, depuis qu'il fut élevé en croix jusqu'à ce qu'il rendît le dernier soupir, voyez les mystères. Ensuite les deux répétitions et l'application des sens. Sixième jour. Au milieu de la nuit, depuis la descente de croix jusqu'au sépulcre exclusivement, voyez les mystères, et le matin, depuis le sépulcre inclusivement jusqu'à la maison où se retira Notre-Dame, lorsque son fils fut enseveli. Note. Les deux répétitions et l'application des sens ne sont pas indiquées comme les jours précédents. Il est hors de doute que l'on peut faire ces trois exercices à l'ordinaire. Peut-être aussi pourrait-on les omettre avec quelque utilité, entièrement ou en partie, et passer plus de temps devant le Saint-Sacrement, faisant, vers l'heure de la seconde répétition, l'exercice si utile et si touchant du chemin de la croix. Récitant sur le soir, selon la seconde manière de prier, le Vexilla Regis, le Pange Lingua Gloriosi Loraem Certa Minis, le Stabat Mater, ou la partie de l'office du vendredi saint qui, dans le missel, commence par ces mots, ô mon peuple, ou enfin entrer dès ce jour dans cet esprit de recueillement et de contemplation prolongée dont il est parlé au jour suivant. Fin de la note. Septième jour. La contemplation de toute la passion dans l'exercice du milieu de la nuit, et dans celui du matin, et au lieu des deux répétitions et de l'application des sens, on considérera tout le jour, autant qu'on le pourra, comment le très sacré corps de notre Seigneur Jésus-Christ resta séparé de son âme, ou et comment il fut enseveli. On considérera de même, d'un côté, la solitude de Notre-Dame, plongée dans une grande douleur et dans une grande affliction, et, de l'autre, l'isolement et la tristesse des disciples. Remarque. Supposez que l'on veuille accorder plus de temps aux contemplations sur la Passion, on prendra pour chaque exercice un plus petit nombre de mystères, par exemple, pour la première contemplation, la scène seulement, pour la seconde, le lavement des pieds, pour la troisième, l'institution du sacrement de l'Eucharistie, pour la quatrième, le discours du Sauveur après la scène, et ainsi des autres contemplations, jusqu'à la fin de la passion. Lorsqu'on l'aura terminé, on pourra prendre un jour entier pour repasser la première partie, et un second jour pour la seconde, et enfin un troisième pour toute la passion. Au contraire, si l'on veut abréger, on peut prendre pour exercice du milieu de la nuit la scène tout entière, pour celui du matin, le jardin, à l'heure de la messe, la maison d'Anne, à l'heure des vêpres, la maison de Caïphe, avant le souper, la maison de Pilate, omettant les répétitions et les applications des sens, faisant chaque jour 5 exercices distincts, et prenant pour chaque exercice un nouveau mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. La passion ainsi méditée, on peut la repasser tout entière dans un seul jour en un ou plusieurs exercices, comme on jugera pouvoir en retirer plus de fruits. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org, Université de Toronto, Université d'Ottawa et Livre Mystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.